très bien, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission avec un sujet qui, je vais dire qu'il n'a rien à voir, si, un petit peu, puisqu'on parlait des Antifa, donc on va parler d'un autre Antifa, la personne de Pierre Hillard, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a sorti un nouveau livre et Helsinko a eu l'occasion d'étudier une partie de celui-ci, ou même l'entièreté d'ailleurs, je ne sais pas, donc c'est l'occasion de revenir dessus. Une autre raison, c'est qu'en fait, des fois, ça revient dans les commentaires, parce que vous savez, dans la fameuse dissidence du Tradistan, c'est une des figures qui revient le plus souvent. On nous a posé la question, puis on a envie de faire un lien, surtout avec le sujet précédent, avec les Antifa. Alors, finalement, je vais interroger directement Helsinko. Donc, tu as lu une partie de son livre, ou d'une étude de son livre, je crois. Oui, tu... alors techniquement, c'est pas son livre, hein, il réédite le livre de quelqu'un d'autre, mais ouais, je me suis un peu intéressé au sujet. Et disons qu'en fait, la caractéristique du personnage, ça transpire dans ce que tu as lu. Quoi. C'est l'archétype, il y a un peu, c'est Hillard en miniature, dans tout y est, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé ça intéressant. Donc, ah oui, puis aussi, on nous a fait apparemment la remarque que M. Hillard, sa sainteté était absolument infaillible et qu'il ne pouvait pas subir la critique, parce que dans une précédente émission, on avait mis des critiques d'ailleurs tout à fait construites, je trouve. Nous, on a envie de dire bah non. Il n'est pas infaillible. Donc... Oui, bah, peut-être qu'il faut rappeler à nos auditeurs. Donc, bon, Pierre Hillard est le pape de l'antifascisme surnaturaliste, apparitionniste, cocorico. Ça, voilà. Et il avait prononcé en chair, ex cathedra, l'incompatibilité du fascisme et du catholicisme. Il faut quand même le savoir. À la fête du Pays Réel, on l'a rappelé tout à l'heure, mais voilà, c'est ça. Il l'a dit. Donc voilà, à partir de là. Avec des sources Evian, hein, donc les sources Bormann, dont on sait donc ça ne vaut rien. Which brings me finally to the one fake in this connection. There is another version of Hitler's table talk covering his 1945 conversations. That is fake. The man who faked it was François Jeannot himself. He finally, after years, admitted this to me, because I was able to prove again and again that Bormann wasn't even in Berlin on the occasion of these conversations. These conversations can't have been authenticated by Heinrich Heimann Bormann. And finally, François Jeannot said to me, but Monsieur Irving, surely you would admit this is the kind of thing Hitler would have said. Yes, perhaps, but still not an objective source. And as an anti-Semitic racist, non-conformist, court-designated non-conformist historian, I'm proud to be very choosy about the documents I rely on when I write my books. Thank you. Et donc, il a eu l'information par écrit, hein, par mail, par voie postale, même en phase, dans plusieurs événements. Donc, il a eu l'information, il savait que c'était faux, mais il a répété le mensonge. Et il le répète encore actuellement, donc apparemment, la vérité ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il est intéressé pour vendre des bouquins et de l'argent, ça c'est possible. Ah bah oui, mais en fait, ça, il faut, on va y venir. Mais peut-être partons des faits. Donc, Pierre Hillard s'est signalé par deux actions ces derniers temps. Donc, une, c'est la publication d'un nouveau livre. Ça faisait longtemps. Ça faisait 3 jours. Hein. Ça faisait 3 jours, oui, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est un livre qui l'édite et... Donc, en ces temps d'apocalypse raciale hein, que nous traversons, d'hégémonie juive, il a la solution à nous proposer. Il a un nouveau modèle de dissidence. Il veut nous montrer ce qu'est le vrai dissident. Enfin, j'ai envie de dire. Il était temps qu'on sache enfin quoi faire. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des juifs. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre rapport ? Des idées personnelles que j'ai ajoutées. Vous n'êtes pas d'accord ? Donc voilà, une solution originale. Bon, alors rassurez-vous tout de suite, on ne change pas une équipe qui perd. Donc au programme, grand monarque, haine de l'Allemagne et France égale l'Église. Donc nous serions passés à côté d'un obscur vicomte, le vicomte de Gontaut-Biron, qui a écrit ses mémoires en 1860, 1880, quelque chose. Voilà, on est. Bobby, tu étais passé à côté du vicomte de Gontaut-Biron, qui était ambassadeur à Berlin. Qui ça ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? De Gontaut-Biron, tu ne le connais pas. Pardon, madame, j'apporte la tisane du président Bernet. Mais qui ça peut bien nous foutre ? Je ne le connais pas. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne le connaît. Et puis, je suis désolé, on a été un peu grossier en début de seconde partie, mais je suis obligé d'enchaîner parce que tout le monde s'en fout. Il s'agit donc. Les mémoires de Gontaut-Biron, du vicomte de Gontaut-Biron, donc préfacé par Tessoin, d'une quarantaine, je crois que c'est 44 pages de préface. Et c'est un ouvrage qui fait à peu près 600 pages, si je ne Oui, m'abuse. Oui, 603, à c'est peu bon. près, 603. Oui. Et tu l'as aussi intitulé Le vicomte de Gontaut-Biron ou La vraie dissidence. Mais non! Mais tu n'as rien compris. Tu ne le connais pas, mais tu es passé à côté. C'est là, il est, c'est l'élu, c'est la clé. C'est le vrai dissident. Et c'est Pierre Hillard qui a sondé l'histoire, les annales, qu'il a retrouvées pour toi. Et toi, tu es ingrat. Et donc le vicomte, en fait, sa doctrine, c'est surtout l'Allemagne, c'est méchant, en fait. C'est ça la doctrine du vicomte. Alors oui, alors bon. C'est vachement original. Hein. Alors bon, Pierre Hillard a tenu, il nous dit dans ses interviews, parce qu'il fait le tour des chaînes YouTube, il est accueilli partout, il fait des centaines, des milliers de vues, et il nous explique, il dit, voilà, on est dans une période difficile, tout risque de s'effondrer d'un instant à l'autre, et il était vital, d'après lui, de vite, vite, vite éditer ce livre avant que tout s'effondre. Et il nous explique pourquoi ces mémoires, pourquoi. Alors il nous dit que la première chose, c'est que ça nous donne une photographie de la cour de Prusse devenue l'Allemagne. Et là, on est dans une période très particulière, c'est après la guerre de Prusse. Donc après la défaite de Sedan, c'est la quintessence de l'hostilité entre la France et l'Allemagne, du désir de vengeance après la défaite, hein, des Français vis-à-vis de l'Allemagne. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette condamnation ex cathedra du... Voilà, on est dans ce cadre-là. C'est peut-être par hasard, hein, qu'il a choisi ce mémoire, mais voilà, c'est là, et il nous dit que c'est très intéressant parce qu'on voit la confrontation avec le chancelier Bismarck et son financier Bleich Schröder, qui avait été proposé par les Rothschild de Paris. Il ne manque pas de le préciser, donc pour nous faire comprendre que, au final, l'Allemand, c'est le juif. Voilà, c'est. En fait, Pierre Hillard, il est docteur en sciences politiques. Et je ne sais pas si vous savez, mais sa thèse qu'il a soutenue pour son doctorat, c'était un peu le même délire, en fait. Déjà, à l'époque, c'était la construction de l'Union européenne voulue par le mondialisme, en gros, et en fait pilotée en sous-main par une Allemagne pernicieuse, un truc comme ça. Ouais. Ouais, bon, donc c'est voilà, ça date, hein, mais ça date pas que de Pierre Hillard, hein, ça date depuis plus loin. Et ce qu'il nous dit surtout, c'est qu'on voit la bagarre de Bismarck, donc Bismarck qui est le chancelier à l'époque, hein, l'initiateur, l'instigateur du Kulturkampf, qu'on en a parlé. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que Bismarck, il veut surtout empêcher le retour, c'est le retour d'un principe traditionnel en France, monarchique, classique. Surtout insister sur ce mot-là, et qui était représenté à l'époque par le comte de Chambord et par les légitimistes. Voilà, dont était le vicomte. Le vicomte de Gontaut-Biron était le vrai dissident. Pourquoi? Parce qu'il était légitimiste. Et voilà, c'est ça la solution. Le légitimiste, tu n'y avais pas pensé. Voilà, avoue-le, tu n'y avais pas pensé. Personne n'y avait pensé. Personne n'est légitimiste en France depuis la Révolution française, c'est une nouveauté. Mais voilà, ce mémoire nous démontre que l'Allemand, Bismarck, ne craint qu'une chose, c'est le légitimisme. C'est le comte de Chambord à l'époque, bon, on en parlera peut-être un peu après, et c'est aujourd'hui Louis XX. C'est Ouais. le grand monarque. Voilà, Oui, c'est alors du lourd, c'est du lourd. c'est pas n'importe quel légitimisme, Helsinko, c'est du légitimisme qui tombe du ciel, littéralement. Faut même pas militer pour le légitimisme. Ce qui déjà en soi, bon, pas très bizarre. C'est-à-dire que tu vas prier dans ta chambre, et là, c'est sûr, à 100%, ça va arriver. Faut surtout rien faire concrètement. Voilà. C'est Oui, simple. oui, ben, Ici, il faut acheter le bouquin de Pierre Hillard. Ah ben oui, Ah, ben, c'est là, oui. oui, c'est là, oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, s'il y a une seule réalité concrète dans tout ce qu'il nous propose, parce qu'au final, c'est du vent, c'est de la fumée, on est retourné vers l'arrière, on regarde l'ancien régime et tout ça, on tourne le dos à l'histoire, entre guillemets, on n'a pas de vrai idéal. Mais le seul aspect positif de toute cette histoire, c'est le fait d'acheter un bouquin. Ça, par contre, c'est concret. Voilà, ça, sinon, le reste, effectivement, c'est très onirique. C'est très onirique, effectivement. J'allais rebondir en disant que nous, bon, on tient un discours pro-NS, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour l'avenir, hein, et surtout, en fait, on veut incarner ces principes, on veut les actualiser. C'est pour ça qu'après-guerre, on parle d'un néo-fascisme. Or là, il nous propose un aristo-randôme en nous faisant croire vaguement que le légitimisme n'a jamais été. Bon, il y a eu deux restaurations en France au 19e siècle. Le légitimisme, on pourrait dire, c'est la politique des Capétiens aussi. Hein. Voilà. Et le truc, c'est que la ligne qu'il tient, bizarrement, n'existe plus chez les contre-révolutionnaires depuis la première génération. La deuxième génération, elle n'a pas connu l'ancien régime. Elle admet certains points positifs même de la révolution, c'est presque ça. Hein. Parce que voilà, il y a eu des manquements, l'ancien régime lui-même qui a causé sa propre perte. Or là, voilà, Pierre Hillard, il nous dit non, on était pur, c'était parfait. On va revenir en 1791. Voilà ce que nous propose le chef de la dissidence conspi. Parce que là, en termes de conspirationnisme et de surnat, on va peut-être en parler aussi, parce que ça déboîte pas mal, quoi. On peut en parler maintenant, d'ailleurs, hein, vu que apparemment c'est un terme parfois qui dérange ou qui était mal compris. Alors peut-être qu'on a fait, on n'a pas été excellent en termes de pédagogie, c'est possible. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Si, je pense qu'on. Moi, je pense qu'on était plutôt bon, qu'il y a des gens qui ne voulaient pas comprendre. Mais bon, admettons. Quand on parle d'être en guerre contre le sous-naturalisme, ce qui est vrai, est-ce que je pense que Zinko était bien placé pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Est-ce qu'on veut dire on est contre la messe, les sacrements, la grâce, etc. C'est ça qu'on veut dire? Je crois pas. Hein. Les gens qui nous accusent. Enfin, qui nous font ce reproche-là, ils nous accusent de vouloir combattre le surnaturel lui-même. Alors, bon, déjà, c'est des gens qui ne nous ont pas du tout écoutés, parce que nous avons fait des émissions où nous parlons en long, en large et en travers des prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Christ, qui parlent de la destruction de Jérusalem, de la destruction du Temple, et qui réduisent à néant les des païens. Donc ça, on vous renvoie à notre travail et à nos émissions dessus. Donc clairement, ils nous ont pas écoutés, ils nous ont simplement entendu condamner le surnaturalisme, c'est-à-dire la tendance qu'ils représentent eux, et ils nous ont attaqué frontalement tout de suite à Dominem en nous accusant d'être des hérétiques, c'est-à-dire en niant le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est Dieu. Le surnaturel, c'est Dieu. Donc si on nie, si on, ici à Oremus, on combat le surnaturel en tant que tel, les miracles, les prophéties, ça veut dire que nous serions des impies. Je suis sûr qu'ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils disent, mais c'est ça que ça voudrait dire, concrètement. Non. Nous, ce qu'on dénonce dans le surnaturalisme, en fait, il faut comprendre que la création, enfin le monde, il y a deux sphères dans le monde. Il y a le monde du créé, c'est après les sept jours, hein, dans la Genèse, Dieu y crée le monde. À cette époque-là, il n'y a pas le surnaturel, c'est la nature. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, et il vit que tout cela était bon. D'accord? Donc ça veut dire que le monde, la création, la nature, était fondamentalement bonne, initialement. Alors après, il y a le péché qui est venu, qui a blessé cette nature-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle est devenue toute pourrie. Si elle était 100% pourrie, 100% mauvaise, il ne resterait plus rien. Et en fait, le surnaturaliste, c'est celui qui prétend que pour devenir un bon catholique, il faut réduire la nature au mal. Il faut haïr tout dans ce monde. Il faut, pour devenir saint, préférer presque, pas presque, mais il faut préférer être médiocre plutôt qu'être, qu'être fort, être petit plutôt qu'être grand, parce qu'être grand, c'est risquer de pécher, parce qu'être beau, c'est risquer de devenir orgueilleux. Et au final, on se désintéresse du monde, en fait. Tout ça pour prétendre être pieux et se connecter directement à Dieu. Oui, donc le surnaturaliste, c'est celui qui se désintéresse complètement du monde, en fait, dans lequel il est, parce qu'au final, la surnature pure, le paradis, on n'y sera qu'après notre mort. Nous, tout ce qu'on dénonce, c'est cette tendance-là, et ça, pas particulièrement du point de vue politique. On dit, en tant que catholique, Dieu attend de nous que nous fassions des efforts pour que sa volonté soit faite dans ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Dans ce monde, en France, pour nous, c'est la France. Et on ne nie en rien l'existence des miracles, l'existence de Dieu, l'existence des prophéties. C'est même pour ça qu'on s'est converti. Enfin, moi, personnellement, l'un seuil de Turin, le Tima de Guadeloupe, les prophéties de Daniel, de Michée, etc. Donc, voilà, votre accusation est ridicule. Ces gens qui nous accusent, en fait, tout de suite nous condamnent. C'est même pas, ils nous envoient pas. Ce n'est pas une question qu'ils nous posent tout de suite. Ils nous disent « Vous êtes des hérétiques, vous allez en enfer. » Bonjour. Non, ne m'adresse pas la parole, hérétique, démon. La psychologie de ces gens-là qui sont des terroristes, en fait. Hein. C'est des gens qui se servent de la religion pour terroriser les autres. Parce qu'eux ne font rien, ils ne supportent pas que les autres fassent des choses. Ils veulent rester dans leur chambre et attendre la fin des temps. Et s'ils voient quelqu'un sortir pour essayer de sauver la France, ben ils disent non, ils vont retarder la fin des temps. Donc voilà, c'est catastrophique. Et ils nous ont pris pour des lapins de 3 semaines, d'ailleurs. Donc on voit la classique sous-estimation, quoi. On moque un petit peu d'un revers de la main, on passe à autre chose, alors qu'on ne s'est pas intéressé au fond du discours. Donc ce que tu as souligné, Elzinko, en effet, c'est un peu le discours Saint-Augustin, la cité de Dieu contre la cité terrestre, qui est tout à fait vrai, dans l'ordre surnaturel concret. C'est vrai que Pie XII, quand il parle de surnaturalisme, il dit la bonne définition, c'est on parle de la surnature dans ce qu'elle est réellement, la grâce, etc., ses effets. Et il y a aussi le travers, c'est l'exagération de la surnature, de même que ça existe en termes naturalistes, voilà, les discours franc-maçonniques contre la religion, tous ces trucs-là, c'est naturaliste. Le panthéisme néo-païen, etc., naturalisme, voilà. Là, nous, on parle bien du surnaturalisme comme travers. Moult reprises, hein, le pape Pie XII est de notre côté, et les autres, ouais, c'est eux qui se font condamner. Hein, le pape Pie XII du... Oui, si tu as sous les yeux, fais-toi. Oui, bah, le discours aux participants au congrès international de Pax Christi le 13 septembre 1952, Pie XII dit « un surnaturalisme, donc il utilise le mot, hein, un surnaturalisme qui s'écarte et surtout écarte la religion des nécessités et des devoirs économiques et politiques, comme s'il ne concernait pas le chrétien et le catholique, et chose malsaine, étrangère à la pensée de l'Église. » Fin de citation. Voilà, donc le mois dernier, Belloc d'ailleurs nous avait rappelé l'histoire de cet Afro-Américain, ce politicien, qui lui n'était pas du tout surnaturaliste, et qui quasiment à lui seul, parce qu'il était catholique, avait pu arrêter des milliers, plutôt des millions d'avortements aux États-Unis en arrêtant la loi folle qui est au niveau fédéral. Ça, c'est des gens qui sont pas surnaturalistes. Tous les saints étaient contre le surnaturalisme. C'était des gens qui étaient exemplaires sur les deux tableaux. Parfois, quand on se bouge un peu les fesses dans le monde réel, ça porte aussi des fruits. C'est pas interdit aussi de faire des choses, non? Ça donne quelque chose, et bah là, tu as d'ailleurs rebondi déjà ce que tu as dit, Elzinko, et moi je vais rebondir sur ton propos. Quand un chef d'État se convertit, par exemple, ça va faire des millions de conversions, donc c'est très important, par exemple, que ce genre de choses puissent arriver. Et en fait, ces gens-là ont un problème, je dirais presque anthropologique, de testostérone. Je leur recommande à tous de pratiquer un sport intensif, ça leur fera peut-être un peu de bien. Ils seront un peu plus masculins, ils auront un peu plus de volonté, le corps sera moins désincarné. Et donc, ils pourront peut-être faire quelque chose pas. S'ils sont encore récupérables. Oui, ils voilà. Pas, parce que la testostérone, c'est quelque chose de naturel. Et il faut, justement, d'après eux, en gros, pour aller au ciel, il faut être un raté pour ces gens-là. Il ne faut pas cultiver l'ordre naturel. Parce que Nous, on est des infiltrés, nous. Oui. En fait, comme les gnostiques, Elzinko, en fait. Je suis en train de penser à ça. Les gnostiques aussi, ils étaient toujours en train d'essayer de dénigrer le corps, la nature, etc. Et en fait, ces gens qui sont toujours en train de dire « Oh, attention, il y a des complots gnostiques partout, à droite, à gauche, peut-être sous mon lit », en fait, ils font pareil. Oui, mais parce qu'ils sont obsédés par le mal, en fait. Pour eux, dans le monde, il n'y a comme que le mal, le catharisme. Le mal qui existe. Il n'y a plus rien de bien. Donc du coup, ça devient une obsession. Donc, ils ne s'aiment pas, typiquement, parce que pour s'aimer, il faut avoir des raisons de s'aimer, sur le plan naturel aussi. Donc du coup, si tu es rachitique, moche, et tu n'arrives à rien dans la vie, tu n'as pas de travail, ben, tu te méprises. Et si tu t'aimes pas, tu n'aimes pas les autres. Donc c'est des gens qui, en général, sont pleins de rancœur, ils sont sinistres, oui, ils sont médiocres, ils sont négligents. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Il va vous dire « Oui, ben moi, je prie mieux que vous. Moi, je connais la vie des saints mieux que vous. » Vous voyez, il va toujours mettre en avant, en fait, la religion. Et en gros, moi, je vais à la messe plus souvent que vous. Donc, ça y est, j'ai triomphé. En fait, je suis meilleur que vous. Je n'ai plus besoin de devenir quelqu'un d'accompli sur le plan naturel. Je fais des choses sur le plan religieux. En fait, c'est un raccourci, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, au fond de lui-même, en fait, il désire être mis au-dessus des autres. C'est un égoïste, c'est un orgueilleux. Mais il trouve ça plus rapide de passer directement, de court-circuiter la nature où il est médiocre. En fait, on est tous médiocres à la base. C'est ça le truc. Enfin, à part les femmes, entre guillemets, ouais, elles ont juste besoin de naître, d'être belles et de bien utiliser leur beauté pour soumettre à un homme. L'homme, lui, fondamentalement, il a besoin de s'accomplir. Il a besoin de travailler. Quand t'as 18 ans, t'es une merde. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux. Alors, il faut des trous du cul. Des cons. Merci sûrement. Bon, allez. Alors, écoute. Excuse-moi, j'espère que la caméra est sur moi. Bon, Polak, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête, ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons là. Excuse-moi bon, du allez, mot. Pas d'un, bon, pas... ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Chiron. Bien. tu vois, t'as besoin de travailler sur ton physique, sur ton travail, etc. Et peut-être à 30 ans, tu deviendras quelqu'un. Tu vois, mais ça demande des efforts. Lui, il veut pas faire, il veut pas. C'est trop long et puis on risque de pécher. Donc du coup, on met ça à côté. Mais je veux quand même dominer et je me sers de la religion. Et ça, je pense que c'est très grave. Mais ces gens-là prolifèrent, malheureusement, dans nos camps. Alors, c'est peut-être pas les plus nombreux, mais c'est les plus bruyants. C'est ça le problème. Et ils terrorisent les autres, un petit peu comme les juifs, un petit peu comme les femmes. Ils sont tout le temps en colère. Ils sont tout le temps en train de condamner tout le monde. Et du coup, ça fait peur, quoi. On n'a pas envie, on préfère éviter, quoi. Donc, mais ils se démasquent. Ils se démasquent depuis qu'on est là, je trouve. Ouais, parce que là, tu te convertis, tac, t'arrives et tout de suite, on te propose du hilar. Ouais, c'est un petit peu chaud pour y revenir. Donc, ouais, il y a cet aspect conspi. Donc, la vraie dissidence, tu disais, je crois savoir qu'il n'a jamais eu aucune garde à vue. Enfin, dissidence jusqu'à quel niveau on l'entend pas beaucoup depuis que le régime a mis un gros zoom sur lui. Donc, ouais, mais déjà, rien que ce mot-là, dissident, en quoi c'est un idéal d'être dissident ? Dissident, ça veut dire celui qui ne professe pas l'opinion la plus commune. Tu vois, pourquoi pas révolutionnaire ? Enfin, ça doit pas être. C'est pour vendre et révolutionnaire, c'est trop viril. Oui, voilà, révolutionnaire, c'est pour prendre des risques. Dissident, tu te fais de l'argent quand même. Voilà, t'adoptes une posture, tu vois. Et il nous a aussi après ce livre, il nous a aussi c'est signalé par des remarques sur Adolf Hitler à nouveau. Paix soit sur lui, subnal. Voilà. Oui, comme dans le tube numéro 1 de ce mois. Oh Hitler, Führer bienveillant, éclairé dans notre cœur, votre guerre est sacrée. Au sein du conclave, la race blanche s'est réunie, évêque et prélat. Unis dans l'harmonie, sous le regard de Dieu dans la basilique gravée, vous, monsieur Hitler, élu, devenez nouveau pontife de vérité. Oh Hitler, Führer bienveillant. Règne de grâce, pour vous restaurer la foi, sous votre bannière, la vérité éclate et flamboie, le Reich tel un flambeau vous guide dans la charité, votre royaume temporel, croisé inquisiteur, rétablit notre pureté. Grâce, vous restaurez la foi sous votre bannière, la vérité éclate et flamboie, le Reich tel un flambeau vous guide dans la charité, votre royaume temporel, croisé inquisiteur, rétablit notre pureté. Donc il était sur une chaîne YouTube, j'ai vu, et il nous dit la chose suivante. À l'époque de la République de Weimar, il y avait un juriste allemand qui était un juif, qui s'appelait Hugo Preuss, qui avait écrit, qui était à l'origine de la Constitution donc de Weimar, et il voulait détruire les Länder, nous dit Pierre Hillard. Les Länder, c'est l'équivalent des... Non, à la base, c'était les royaumes, les différents royaumes, c'est ça, mais c'est les sortes de régions fédérales. Et il n'a pas réussi, voilà, parce que le juif voulait détruire ces régions qui représentaient les particularismes. Vous savez, le juif est universaliste. Et Pierre Hillard nous dit, celui qui a réussi à finaliser le projet en 1933, c'est Tonton Adolphe. Il nous le dit comme ça, c'est Tonton Adolphe. Preuve, bon, non, mais enfin, il a détruit les entités existantes. C'est ironique de voir que c'est Hitler qui a mis en place un système voulu par un juif allemand. La bouillie intellectuelle. Non, mais il y a des gens qui achètent ça, hein, et ils sont fans, hein, et ils en rachètent, parce que Pierre Hillard, dès qu'il fait un truc, tu vois, il mange des pâtes au beurre, il fait un livre après, et puis sur 3 tomes. Tiens, alors j'ai mangé des pâtes au beurre. Et puis après, les gens, ils achètent comme ça. Il écrit comme, comme quand tu as la diarrhée, tu sais, ça part d'un coup, ça part. Quand elle est sortie, j'étais joué avec sa merde et j'ai reniflé. Bah, d'autant que là, ce parallèle, excusez-moi de vanter la décentralisation politique. Tous les pays en Europe ne sont pas comme la France gallicane et jacobine. Et même dans les mouvements nationalistes type maurassien et tout ça, avant qu'ils soient très monarchistes, franchement, ils étaient beaucoup plus partisans d'une décentralisation politique, bien sûr une décentralisation contrôlée, mais ça ne veut pas du tout dire que tu es un juif, parce que là c'est un peu ça l'accusation d'extrême droite favorite. Lui, son programme c'est Sainte-Jeanne d'Arc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, il y a un peu de souverainisme, il y a beaucoup de souverainisme là-dedans. Donc les souverainistes, c'est quoi ? C'est on veut être libre de faire ce qu'on veut, et à la fin, tu finis avec un balai dans le fion. Et tu es heureux parce que tu te l'es mis souverainement. Voilà. Alors. je sais. C'est... Mais voilà. Alors, si la France est géniale et l'Allemagne et le reste de l'Europe, c'est de la merde, je leur explique, en fait. L'Europe, c'est de la merde, la France, c'est de la merde, puisque la France est une nation européenne. Voilà. On est dans le même contexte, je veux dire, hein, même si c'est d'autres peuplades, etc. C'est quand même une grande liaison. En général, tu ne peux pas chier sur tous tes voisins et faire l'éloge de toi-même à ce point-là. Donc voilà, souverainisme, je suis d'accord, mais pas pour faire n'importe quoi s'insérer des nains de jardin, où je pense. Donc voilà pour l'aspect dissidence, décentralisation et tout ça. J'ai remarqué que depuis que l'abbé a quitté la conversation, on se lâche un peu plus au niveau du vocabulaire. Mais bon, ça fait notre style aussi. La question, c'est pourquoi haine contre l'Allemagne ? Ouais, c'est ça que je me... Parce que le dénominateur commun des mémoires de son vicomte du Moyen-Âge... Et de sa remarque... qui est complètement stupide, comme si Hitler avait réalisé le programme d'un juif. Il met en parallèle la volonté de détruire les particularismes du juif. Dans une nation, il y a une unité, donc on intègre effectivement les différentes parties, et il a quand même conservé des régions avec les Gao et les Gauleiter, donc c'est de la mauvaise foi de dire que Hitler a réalisé les vœux du juif, quand on voit que qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne nazie vis-à-vis des Juifs ? Elle n'a pas réalisé leurs vœux. Hein, quand tu arrives à emprisonner Louis Nathanael de Rothschild, quand en 1933, tu empêches les Juifs d'être fonctionnaires, médecins, avocats, membres de l'université, après tu leur enlèves la citoyenneté, tu arianises leurs entreprises, je ne dirais pas que ça s'appelle réaliser les vœux du Juif. Donc je me sens plus excité par Adolf Hitler. Eh ben, attends, mais Elzico, tu te trompes complètement, là. Les Juifs ont financé, créé Adolf Hitler, ce qui dirige tout, depuis 500 siècles, à l'avance, pour mieux faire tomber les Européens après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, comme ça, ils contrôlent tout. Il fallait un méchant Hitler, création des Juifs. Voilà. Achète mon livre, le prochain, tu comprendras en plus. La faute aux Juifs, si rien ne va. C'est pas notre faute, les Juifs en sont la cause. Pour tous nos maux, ah, c'est infâme, mais juste. Oui, c'est toujours les Juifs qu'on blâme. D'accord, mais du coup, quelle différence entre les Juifs et Dieu ? Mais les Juifs sont Dieu. Mettons des parenthèses, parce qu'il ne faut pas mentionner son nom en vain, mais c'est ça, au final, l'idée profonde, c'est ça. Ce qui baigne aussi avec le surnaturalisme, c'est le complotisme. Parce qu'une fois qu'on a dit que, oui, effectivement, le mal triomphe sur Terre, et il faut justifier qu'on ne puisse rien faire. Parce que sinon, on est coupable. Que votre volonté soit faite sur la Terre comme au ciel. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne vous occupez pas de ce qui se passe sur la Terre ? Ah ben non, c'est pas possible. C'est parce que le mal est tout puissant. Le juif, regardez, même son pire ennemi, Hitler, l'Allemagne national-socialiste, qui a failli les mettre à genoux, qui les a mis à genoux, comme les Rothschild, les Warburg, etc. Mais même lui, eh ben, c'est le juif qui était derrière. Oh là là, ben, qu'est-ce que... Oh ben ça tombe bien alors. Ouais, la conception de l'ennemi omnipotent qui est une paralysie absolue et qui est fausse en plus. Je veux dire, quand le régime ne cesse de réprimer des groupes, des gens, etc., c'est que... Au fond, lui, il est un petit peu inquiet, même si, c'est sûr qu'un État contraint une association, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc, il se fait exploser. Mais ouais, il y a ce gros souci du conspirationnisme qui va de pair avec chez les surnates, en fait. Ça complète un peu leur vue biaisée Dès qu'il se passe quelque chose, en fait, il se passe rien. Il y a Rabbi Moshe avec une télécommande qui contrôle et la Russie et l'OTAN et je ne sais quoi et je ne sais quoi, qui a peut-être plus ou moins de vrai, mais tu viens nier là, en fait, l'action humaine elle-même, le libre arbitre aussi, tu viens nier. On dirait que c'est un déterminisme pur. Il y a plein de défauts qui vont se répercuter dans la philosophie politique et ça l'a perverti complètement. Oui, ça, alors le juif magique et puis aussi le diable magique. Tout vient du diable, tout est satanique. Il n'y a pas une décision politique, alors des décisions politiques mauvaises à gogo, hein, surtout en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, au départ, c'est quelqu'un qui a soufflé un ange déchu dans l'oreille de Macron, etc. Et ça vient de Satan, tout vient de Satan. Voilà. C'est pratique hein, comme truc. Hein. Moi, ce que je vois au centre de tout ça, c'est l'orgueil. Je suis désolé, pourquoi cette haine de l'Allemagne? C'est simplement la jalousie. Voilà, c'est la jalousie. On voit pourquoi, parce que l'Allemagne nous a botté le cul en 1870, en 1939, 40 aussi, et parce que aussi ils ont réussi à faire des choses que nous, on n'a jamais réussi à faire vis-à-vis de la subversion. C'est surtout ça qui est impardonnable, à mon avis. C'est qu'ils aient réussi à se nettoyer des juifs et des francs-maçons et qu'ils soient venus les nettoyer chez nous. Tu vois, quand t'as un grand frère qui est plus beau, plus fort que toi, qui arrive à faire des trucs que toi, t'arrives pas, ben, tu le détestes, obsédé par lui. Et c'est ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... L'Allemagne avait Adolf Hitler pendant que nous, on avait Léon Blum, quoi. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, voilà. Mais sinon, j'ai pas de raison de détester l'Allemagne, d'y revenir encore. Je vois pas de raison. Et ça me fait penser aux juifs, en fait. Parce que les juifs, ils peuvent pas piffrer les Allemands non plus. Pour la même raison, parce qu'en fait, pour le juif, l'allemand, c'est quoi? C'est l'arien, c'est l'homme blanc qui lui est supérieur, il le sait. Et donc, vu que lui, le juif, il prétend être le meilleur, triompher, en fait, sur tous les autres peuples, et qu'il voit que, bah, dans la réalité, concrètement, il y a un allemand, il y a un homme blanc qui est meilleur que lui sur tous les plans, il peut pas le piffrer, et il cherche un moyen surnaturel, donc là pour les juifs c'est je suis le peuple élu, donc vous devez tous vous jeter à plat ventre, et on retrouve les deux choses chez le français cocorico légitimi, c'est-à-dire haine de l'allemand et moyen surnaturel de triompher, je suis la France peuple élu, je suis un truc ineffable qui doit triompher, je suis l'église, en gros c'est ça, c'est la dernière idée qu'on retrouve dans son livre, dans les mémoires, c'est que Bismarck représente les protestants, les méchants protestants, et il veut dissoudre, et c'est ses mots, il veut dissoudre la nature catholique de la France. Donc la France, sa nature, c'est d'être catholique. Voilà, moi, c'est comme les juifs, et les juifs, c'est quoi leur péché? C'est l'orgueil. Donc moi, je propose à mes auditeurs, ok, ça fait combien de temps qu'à droite, dans la tradition, on tourne avec ces conneries? Ça fait combien de temps? Ça fait 200, 250 ans. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce qu'il a produit ton légitimisme en bois? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en 200 ans? Rien, d'accord? Alors, continue dans ton délire si tu veux, mais laisse-nous tranquilles, d'accord? Laisse en paix les gens qui ont envie de trouver une vraie solution pour sauver leur pays. Here comes a new challenger. J'ajoute que Longinus vient nous rejoindre. Longinus, comment ça va? Ah bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un bon moment que j'étais pas là, hein, occupé au Mirador pendant une période assez étendue. Et tout va bien, les prisonniers sont restés, personne ne s'est échappé. 6 million Jews wickedly killed in gas chambers by the Nazis. Bah, j'imagine que là, tu es venu avec un Panzer et que tu vas rouler sur les aristos randoms du légitimisme. Tu veux dire les boutiquiers bourgeois antifa? voilà. Ah oui, on n'avait pas donné cette définition, tu as bien fait de vous. Vous êtes un homme de lettres, Longinus. Voilà. Non, bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Elzinko concernant qu'est-ce qu'on a fait depuis 250 ans. Rien. La situation s'empire, la corruption s'est immiscée à tous les niveaux, l'Église est pour le moment éclipsée, mais apparemment certains ne veulent pas le reconnaître. Le légitimisme, on veut dire, on veut faire revenir le roi, sauf que ben, c'est plus d'époque, c'est plus de temps et ça ne fonctionne pas non plus. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'on peut dire à ces gens-là, à part qu'ils le crachent systématiquement. Finalement, comme le juif leur dit de cracher sur l'allemand, ben, ils crachent sur l'allemand. On continue en fait dans l'antifascisme. Donc pour ce qui est de Pierre Hillard, il me semble qu'il avait déjà été confronté pour ses propos de... C'était quoi? C'était qu'on appelle ça les propos de table d'Hitler, donc, qui étaient écrits par Bormann et qui sont... Défaut. Oui, il n'y a rien. Donc il le sait, il avait été confronté pour ça, mais ses bouquins se vendent, donc pourquoi corriger? Finalement. Ouais, c'est Il y a eu une réponse de Deus Vult à ce sujet, et on a eu quelques émissaires hein, qui sont allés à la rencontre, mais non, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a pas d'argumentation en face. Non, mais c'est ça, c'est juste déboutiqué. On est le problème, c'est une chose que tout le monde doit comprendre, c'est que le système économique tel qu'il est actuellement pousse les gens, ils doivent vivre. Pour vivre, ben, les gens vont aller à la... un peu comme Oleg ou d'autres, hein, comme fait Thaïs, ils vont aller là où il y a de l'offre et de la demande. Donc, et ils savent très bien pourtant qu'ils racontent, il peut y avoir des fois des vérités, des demi-vérités, mais mélangées avec beaucoup de conneries. Et ils le savent. Et ils continuent quand même. Que c'est, ça doit être assez intéressant de s'expliquer à la confession, quand même. Hein. Moi, je dis ça. Alors, je voudrais revenir sur deux petits trucs. D'abord, un petit propos. Tu as tenu, tu sais, tu as employé l'expression de l'église éclipsée. Bah, celle-là, Pierre Hillard l'emploie lui-même. Hein. Mais c'est parce que ça nourrit son conspirationnisme. Alors, on peut dire, d'un point de vue du corps ecclésial, il y a un petit souci pour tous les cardinaux romains qui prennent la place, etc. Mais par contre, l'église enfin, a une essence qui doit durer jusqu'à la fin des temps. Donc, en soi, je veux dire, au sens surnaturel, elle n'est pas du tout éclipsée, elle est là où Dieu est, là où la grâce est, etc., quoi, techniquement. Mais au niveau du corps militant, on va dire, un souci assez puissant. Et après, juste avant que tu arrives, donc Elzinko flinguait pas mal le côté surnat. Donc, voilà, nation France et Église, ces deux mots... ils sont même plus distincts, c'est vraiment qu'une seule chose. Donc ça va avec tout ce problème de la France qui est née de l'Église aussi. Quand on maintient cette expression, alors que pendant 250 ans, la France, c'est la prostituée de la néo-maçonnerie. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. C'est une blague, voilà, c'est vraiment une titulature que tu donnes à un état temporel pour des services rendus. Il a défendu la chrétienté, il a propagé la foi chrétienne, il a fait des croisades. Donc sous Saint-Louis, que l'on ait cette formule, je veux bien, sous Léon Blum, c'est peut-être un petit peu moins sexy, quoi. Ça passe peut-être un petit peu moins. Mais sous voilà, Badinter, ça fait un peu plus peur déjà. Alors, juif, le juif au doigt crochu, au nez crochu. Et oui, on pointe aussi du doigt, comme on l'a fait dans la première partie, un peu cette condamnation d'Action française où Saint-Pédis disait, c'était condamnable, mais à ne pas condamner parce qu'il y avait en effet des soucis de positivisme, de philosophie, qui sont hétérodoxes, on va dire, en partie. Mais en même temps, c'était le parti chrétien nationaliste unitaire où les catholiques pouvaient se retrouver afin de lutter efficacement sans être étiqueté avec les démocrates chrétiens, le libéralisme catholique dont on a parlé avec Montalembert et Lamennais, voilà, que citait Zinko. Donc tout ça, on n'en sort pas depuis cette perte de mouvement unitaire et d'action, quoi. Ben, on voit ce que ça a donné avec De Grelle, hein, lorsque les prêtres se sont liés contre lui. C'est, je suppose, le même problème que les nationaux-socialistes ont dû faire face. Ils se sont retrouvés face à des commissaires politiques, et non plus à des gens qui sont là pour guider les âmes. L'Église ne peut pas porter les deux épées. C'est pas possible. Les prêtres ne sont pas là pour être des commissaires politiques. Et d'où c'est le problème que nous avons aussi actuellement. Ouais, j'écoutais Démocratie participative il y a pas longtemps, hein. Et bon, je suis pas d'accord évidemment avec tout ce qu'il dit, surtout sur le plan religieux, mais je leur reconnais quand même des mérites. La démocratie, la République, il faut foutre ça en l'air, d'accord ? Cet égalitarisme, ce truc, on va pas fonctionner dans ce cadre-là. Et moi, j'applaudis, parce que je suis aussi révolutionnaire. Mais il faut ce que je leur ferai remarquer, entre guillemets, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'appeler à la révolution, d'appeler à rétablir le lustre de notre pays, à arrêter d'avoir honte d'être français, parce qu'aujourd'hui, on a tous honte d'être français, de retrouver l'honneur, la fierté de notre pays en le nettoyant de fond en comble et en le rendant meilleur qu'il n'a jamais été. Ça, je suis d'accord. Mais le problème aujourd'hui, c'est pourquoi ? Ce qui manque aux gens, c'est un pourquoi. Et ça peut suffire à certains activistes, parce qu'eux, ils ont ça dans le sang. Mais la majorité des gens sont complètement amorphes. Et tout l'Occident est amorphe. Tout l'Occident est amorphe. La chrétienté est devenue, n'a plus de raison de vivre. On en a déjà parlé dans l'émission. Mais il y a un désir, ce qui anime profondément notre société, c'est le désir de mort. Pourquoi il y a un désir de mort ? Pourquoi on n'avance plus ? Parce qu'on n'a plus de raison de vivre. On n'a plus de raison de se dépasser. C'est ça qui se passe, c'est que normalement, tu as une finalité terrestre, c'est-à-dire un pourquoi d'agir terrestre, un pourquoi de te sacrifier sur Terre, et un pourquoi aussi de te sacrifier pour le ciel. Sauf que le surnaturalisme a mal compris l'équilibre entre la Terre et le ciel, et il a voulu tout donner au ciel. Mais le problème, c'est qu'au final, il a fini par craquer au bout d'un moment. C'est parce qu'il faut quand même voir dans la réalité, concrètement, ton idéal s'incarner. Et l'Occident chrétien a fini par apostasier par naturalisme. Parce qu'on n'a plus de but positif sur cette terre. Et on ne sait plus pourquoi on doit le faire. Et nous, en tant que catholiques, on a un pourquoi, c'est Dieu. On a réussi à se convertir. Dans la tradition, les gens, ils ont encore gardé la foi, ils n'ont pas apostasié. Donc, ils ont un pourquoi à se bouger le cul, normalement, c'est Dieu. Mais le fascisme rappelle qu'il y a aussi un pourquoi de se bouger sur Terre, c'est le bien commun politique. Et nous, ce qu'on vient rajouter en tant que chrétiens, c'est qu'il faut le faire pour Dieu. C'est pour Dieu. Dieu attend de nous. C'est obligatoire qu'on se sacrifie pour la France, pour retourner la table, parce que Dieu le veut. Et pour en arriver là, il faut détruire, il faut couvrir de ridicule, j'insiste, le providentialisme cocorico. Il, Bismarck, préférait donc de beaucoup la République conservatrice, c'est-à-dire un état de choses d'apparence fort convenable, mais dissolvant de sa nature, conduisant, selon lui, au résultat recherché qui était d'affaiblir la France immanquablement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que j'ai... De là où j'ai été baptisé, je l'ai vu, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait encore, dans ces endroits-là, encore un peu de vitalité. Pardon. Par contre, c'est vrai qu'en France, de ce que j'ai pu constater et voir, on est resté bloqué sur France, finie de l'Église, on n'a rien à faire, la divine providence s'occupera de tout, restons dans notre petit coin, nous n'avons pas à nous bouger, surtout pas. Et dès que quelqu'un essaie de sortir un peu des clous, tout de suite, tout le monde leur tape dessus, ou se font excommunier, alors, pour différentes raisons. Les gens ont peur de faire une action. Ils ont peur, en fait, de perdre leur bien matériel. Ils ont peur de se sacrifier. Et il me semble que c'est quand même le but des catholiques, de se sacrifier pour le bien commun. L'exemple même est Saint Paul. Exact. Tu me tends une belle perche. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc c'est le devoir d'État. Hein, on le mentionnait déjà avant. Il y a la foi, l'espérance et la charité. La charité, c'est quand même d'affirmer la vérité à un moment donné. On la détient. Mais si on la détient dans sa chambre, ça sert à quoi? C'est juste pour soi. C'est déjà bien, soi, mais bon, il y a aussi sa famille, il y a dehors, la commune, la nation. Enfin, ça serait bien quand même de propager la chose, d'autant que les saints, l'apôtre Saint Paul, après la mort du Christ, voilà, après les juifs, les païens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'apostolat auprès des païens européens, l'aréopage, tous ces sermons, tout cette... Et là, le surnat, il va dire quoi? Saint Paul était activiste C'est quoi? C'est un naturaliste, peut-être? Il n'avait pas à dire, il n'avait pas à propager la foi, il ne fallait pas qu'il le fasse. C'est d'un genre de personnalisme Vatican II, que ça soit en plus porté dans la bouche de Tradi, c'est d'autant plus ridicule, donc on va un petit peu enfoncer le clou. Et en effet, le bien commun, il revêt deux volets. Il y a le bien de la cité, donc là c'est plus politique, philosophique, ses devoirs d'État, la famille, le travail, honorer ses parents, etc. Et l'autre volet, c'est en effet le bien commun ultime, qui est bien sûr supérieur. Donc là, on va encore leur mettre une PLS en disant que des naturalistes, ou le fait de tomber dans l'extrême inverse, c'est évident que le bien commun divin est au-dessus, et c'est celui qui va au bout du bout. Mais comment tu peux prétendre aller au bout du bout sans passer pas un petit peu par même le bien commun politique? Quoique même, comme l'a dit Ezinko, les Grecs ont compris. Quoi. Même les Grecs, même Aristote, il a capté ça sans les lumières chrétiennes. Donc à un moment donné... C'est nécessaire pour être homme, en fait. Nous sommes des animaux politiques. Si c'est un homme qui n'est pas dans la cité n'est pas un homme. Et donc il n'est pas... Il ne coïncide pas avec sa nature. Pour ça, on a besoin de se subordonner à la cité. Et d'ailleurs, on peut le voir très facilement. Aujourd'hui, la France est en train de disparaître. Le moment où elle a vraiment disparu, elle existe encore en vous. Là, si on est ensemble, ensemble, on représente la France. On est la France. C'est comme si les évêques in solidum, ensemble, ils représentent l'Église aussi. C'est l'égal des apôtres. Oui, il y a des parallèles, hein, évidemment, entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Mais on ne se rend pas compte à quel point, si le bien commun de la France s'effondre, même notre bien particulier, nos conditions pour faire notre salut et tout ça, ça s'en va. Ah mais les gens, tu vois, les gens ne parlent plus. Il suffit de voir, même moi, qui suis issu pourtant de petites zones rurales, hein, les gens, la première chose qu'ils parlent, c'est d'argent. La preuve, l'argent. Voilà, ils sont devenus des juifs. Les gens sont devenus des juifs mentaux. Et je lance aujourd'hui ma marque de bijoux en argent massif. Je comprends bien que le système économique de pouvoir subvenir à ses besoins, en fait, ou des protestants, est important. Je le comprends, on a besoin du bien temporel pour nourrir sa famille, développer, c'est normal. Mais c'est devenu l'alpha et l'oméga de toutes les discussions. C'est à tous les niveaux de corruption, même chez les tradis. Je l'ai pu le constater de près. Moi, j'ai pu le voir lorsque j'ai eu une fille au père, où j'ai pu constater ça, qu'il y avait des gros problèmes et que même les zones, le ultra-distant, bah, finalement, est infecté par ça. Et on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, lui aussi, Mgr Lefebvre a fait un très bon travail, mais peut-être que maintenant, on pourrait peut-être considérer que la fraternité, elle aussi, maintenant, a un problème. Ah oui, bah, peut-être elle était aussi infiltrée. On a pu le voir, ce qui s'est passé avec... mais voilà, non, mais on sait que Mgr Wander, ce qui était... Et on ne sait même plus, en fait, quel est le domaine du laïc, quoi. C'est, voilà, il faut demander à Monsieur l'abbé comment tenir son stylo, et j'exagère à peine. Je l'ai vu, moi, j'ai vu un prêtre dire à un homme, bah oui, mais votre dimanche, vous ne le passez pas dans le jardin, vous occupez de votre jardin, c'est la journée de Dieu. Il y a un bouquin qu'on partage avec, une première de couverture qu'on partage avec des potes qui nous fait rire. Le titre, c'est « Que penser de la danse ?» Puis c'est un abbé qui a écrit ça, puis il disserte là-dessus « Que penser de la danse ?» Et il y a des gens qui ne veulent surtout pas penser avant d'avoir lu le bouquin, et après ils voudront penser ce qu'a dit l'abbé. Voilà. Ils ne veulent pas avoir d'avis sur la danse, ils vont d'abord lire le livre, et après ils iront répéter en fait comme des perroquets. Voilà. C'est l'abbé qui l'a dit. Mais le problème du coup, c'est que tu ne vis plus, tu n'as plus de libre arbitre, c'est pas possible. C'est là où c'est complètement dingue, et c'est d'où le problème que l'on a, c'est qu'on a besoin d'une inquisition pour remettre tous ces gens en place. Non mais je ne plaisante pas, nous avons besoin d'une inquisition, la Sainte Inquisition doit être remise en place, très clairement. Ah bah, il faut extirper le surnaturalisme, ça c'est sûr, hein. Ah oui, sinon oui, ça ne sortira pas. Hein. C'est la priorité, ben, je dirais même, c'est la priorité absolue numéro un, si on a envie de changer notre destin, ça doit être de commencer par se débarrasser de ça. Si on n'arrive pas à se débarrasser du surnaturalisme, on fera rien, moi je pense. Parce qu'il risque, en fait, finalement, il ne reste que entre le feu que de l'entre-soi, comme des juifs. Ah oui, encore une fois. Imaginons, il y a un type, il arrive à la vérité. Il a, grâce à Internet, maintenant c'est possible. Hein. Il arrive facilement à la vérité. Il se dit, ah ouais, le catholicisme, en fait, c'est ça le vrai. Et puis le catholicisme tradit, tant qu'à faire. Et puis après, il se rend dans une chapelle traditionnelle de son coin. Voilà, il tape une heure de route, parce qu'il n'y en a pas non plus. À chaque coin de rue, et puis il tombe sur des surnattes, quoi. Il tombe sur des types qui sont des merdes, quoi. En fait, tu vois. Ah non, mais tu vois, c'est ça, c'est des merdes. Après, mais quand tu te convertis, c'est. Enfin, le mec, il se barre, hein, il reste pas. Hein. Ben non, mais si, mais enfin, admettons que tu restes, en fait, et tu as vraiment envie de bien faire, limite, tu veux t'investir dans les mouvements de jeunesse catholique, etc., et tu es encore allé 23, 24, il y en a qui se convertissent à cet âge-là, ils n'ont pas fini leurs études, etc., en fait, on ne va pas les pousser, on va leur dire, allez, oui, bah, va juste au MJCF et fais des trucs comme ça, ouais, au pire, abandonne tes études, et le mec, après, il se retrouve à 30 ans, il pète un câble, en fait, tu vois, ça crée des déséquilibres. Ça brise des vies, ça brise concrètement des vies, le surnaturalisme. Vraiment, c'est très sérieux. En faisant quelques recherches très rapides que vous pouvez faire aussi, vous pouvez découvrir qu'il y a pas mal de juifs derrière les entreprises de brosses à dents, notamment. C'est également aussi, les brosses à dents sont fabriquées en Chine. Chine communiste, bien sûr, mais aussi maoïste, et en particulier, surtout visitée par des dieux païens. Puisque, on le sait aujourd'hui, hein, il y a des écrits qui prouvent que les Celtes, les Mayas et les Chinois se sont rencontrés en moins 5000 avant Jésus-Christ. Voilà, tout ça, c'est un patchwork assez malsain. Donc je vous invite à plus vous brosser les dents, à moins que vous souhaitiez être un con stipendié du système, voilà, comme vous voulez. Mais moi, j'arrête de me brosser les dents. Donc, que penser de la danse, le sel de la terre, par le frère Marie-Dominique Oppé, et puis il écrit 300 bouquins, 300 pages sur ce qu'il va penser de la danse. Je voudrais réagir, en effet. La danse, en effet, si c'est danser autour des parties de Dionysos, ça va pas trop le faire. Contre les danses de Thomas Ferrier, autour de la teuf de Dionysos, un mix entre catholicisme, médiéval et national-socialisme, déboîtage et cassage de gueule de vos grands-mères non-jeux. Mais à l'époque, quand même, on a toujours eu cette tradition locale, des villes, des campagnes, où on rencontrait sa femme dans des petits bals traditionnels, où, je veux dire, tout le monde est vêtu de façon entièrement cachée, enfin, ça pose aucun problème, quoi. Et c'était même une formation peut-être assez militaire de l'homme, hein, ça en faisait partie. On nous l'apprenait, même si c'était plus les femmes qui étaient intéressées par la danse, mais ça permettait de faire un vrai lien social, quoi. Mais c'est ça, c'était ce qu'on appelait les bals dansants à l'époque, et ces choses qui ont... quasiment disparu, ça existe, mais tout ce qui était danse traditionnelle, habit traditionnel, vous pouvez retrouver ça dans les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est encore, ils les ont, ils les conservent, mais nous, en France, tout a quasiment disparu, c'est une vraie tragédie. La République, t'as des petites associations, mais bon, voilà, elles vont passer dans une région à l'autre, ici ou là, il faut un peu choper le coche, donc c'est un truc de... Ouais, faut s'y connaître, quoi. Mais oui. Ça existe un peu en France. Je me trouve un peu dur parce qu'au bout de 5 grammes, normalement, je crois que tu peux faire du jump style à la sortie du Macumba. Donc, il y a quand même des opportunités. Ah, mais il faut que tu sois vacciné pour rentrer là-dedans. Donc, non, merci. Ah, mais ce que voulait dire Bobby, au final, c'est que sur le moins en moins de sujets ridicules comme la danse, en fait, ils n'ont aucune opinion et ils attendent. C'est l'abbé qui l'a dit. Voilà, c'est l'abbé qui l'a dit. Mâché dans la bouche. Comme pour les méchants nazis, hein. C'est la même chose. C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Pas un prêtre, il y a une exception, je sais pas. C'est lui, il est quand même infaillible, t'inquiète, Jean, infaillible. Ouais, voilà, il est quand même infaillible. Avec de la dissidence. Ouais. Mais d'où, en fait, on doit se cultiver sur le plan naturel, c'est pas en option. Moi, je m'adresse à tous les hommes blancs qui nous écoutent. Vous devez devenir fort. Vous devez vous occuper de votre santé, vous devez vous occuper de votre intellect, vous devez cultiver votre nature. C'est ce que Dieu attend de vous. Avec cette proposition fasciste, justement, tu cultives cette politique du bien commun qui va contre, à l'encontre de tous ces surnats conspi qui ne s'intéressent qu'aux manips. Voilà, eux, ils s'arrêtent à ça et il n'y a rien. Ils proposent rien, en fait. On me posait la question à l'abbé tout à l'heure. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans le mouvement national-socialiste qui a fait que... Et il a dit juste Hitler. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il y avait dans le mouvement national-socialiste qui a expliqué leur succès, c'est le pourquoi. C'est qu'ils avaient le pourquoi on va se sortir de là pour l'Allemagne. C'est le pour l'Allemagne qu'ils avaient. Nous, on n'a plus le pour la France. On a perdu cette chose-là. Et c'est pour ça que je pense que les païens, tendance anti-chrétiens, qui sont quand même un peu fascisants, je pense que le salut ne va pas venir de ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de vrai pourquoi. Parce que le pourquoi ultime, c'est Dieu. Donc nous, si dans notre milieu, on arrive à rattacher à Dieu le pourquoi terrestre, on va débloquer une motivation on sera les seuls à l'avoir. On va vraiment avoir une raison de se sacrifier, d'aller plus loin que les autres. Et moi, j'y crois, ça. C'est aussi dire aux gens qu'ils ressortent de chez eux énormément. Ce que je constate, moi, de visu, c'est que les gens sont enfermés en permanence devant leur télé, devant leur smartphone. C'est qu'il faut qu'ils se ressortent et qu'ils se réapproprient le réel. C'est ça aussi, qu'ils ressortent et qu'ils aillent un peu dans les endroits où ils sont nés, ou dans les petits villages, ou dans la ruralité, qu'ils voient un petit peu ce qu'ont façonné leurs ancêtres. Ça donne envie de se battre quand on voit ce genre de paysage. Quand on voit un petit peu tout ce qui a été construit, c'est magnifique. Ça donne envie, évidemment, de se battre, de dire c'est pour la France, pour Dieu, pour nos ancêtres, pour nos enfants, pour leur léguer quelque chose. Même ça, le problème, ces gens-là ne l'ont plus. Ils font des enfants. Parce qu'on dit, en tant que tradit, vous devez faire des enfants. Mais quelle est la finalité de tout ça? Vous voulez quand même transmettre quelque chose à vos enfants, qu'ils aient la foi, très bien, mais qu'ils aient un patrimoine et qu'ils le transmettent encore, etc. Ils transmettent les halogènes, là, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Bien joué chez vous. C'est aussi ça, d'ailleurs. Bah, tu mets sur quelque chose, c'est que ces gens ne parle jamais d'urgence. Alors, Pierre Hillard en tête, hein. Pierre Hillard, tranquille, hein. Faut rien faire, mais même si vous faites quelque chose, tranquille ou quoi. Nous, on connaît l'urgence, ne serait-ce que raciale. Les surnats, bah, voilà, c'est, non, mais tranquille ou, hein, tranquille ou, y a pas de problème. La France, tu vas voir dans 2-3 générations. Mais dans 2-3 générations, mais la France, c'est Haïti. C'est foutu. Si rien ne bouge, même, ouais, dans une génération, la France, c'est Haïti, en fait. Ouais, 50% des naissances, en France, maintenant, sont des halogènes. Bon, ben voilà, il suffit de faire un calcul, hein. C'est mathématique, hein. C'est une projection statistique. Oui, 50% des naissances aujourd'hui environ, 75% en Île-de-France, 60% à Marseille. Et même les pays qui étaient encore en train de tenir, là, le nouveau gouvernement qui est en Pologne, c'est intéressant ce qu'ils sont en train de mettre en place, et c'est de façon accélérée. Au Canada aussi, en 5 ans apparemment. C'est les foucheux au Canada, alors là ils sont partis, là. Ils ont mis, il y a un toboggan, ils ont mis l'huile, ils sont partis. Hein. Nos surnaturalistes... Je les entends pas tant que ça parler du communisme. Par contre, le fascisme, le fascisme. Mais tu dis, attendez, mais il y a un problème. Ça qui est marrant chez eux, c'est qu'en fait, ils sont obsédés. Dès que tu leur dis un truc, ils disent « Ah, infiltré, machin !» Et au final, nous, on a un discours en système parce qu'on est fasciste. Le pire pour le système, c'est le fascisme. Là, ils nous accusent d'être infiltrés, mais en fait, ils adoptent exactement les mêmes positions du système en nous disant qu'on est sexiste, qu'on est fasciste. Donc, c'est quand même marrant pour quelqu'un qui accuse les autres d'être infiltrés. C'est difficile de faire la différence entre le statu quo, les régimistes et eux, ouais, c'est clair. Malheureusement, il y a des communistes dans la salle. Alors, n'insistez pas sur la rhétorique. Une émeute pourrait nous mettre en première page. N'est-ce pas ce que nous voulons? Pour dompter une femme, il faut que l'homme soit fort, par définition. Il faut qu'il puisse la remettre à sa place. Il faut qu'il se cultive lui-même. Vu que ces gens-là, ils sont faibles, sont des ratés, bah automatiquement, les femmes prennent le dessus sur eux. Donc, ça devient des simps et leurs femmes, c'est des féministes. Il faut appeler Fredo Mercure. faut appeler Fredo Mercure. Ah, mais il faut voir pour Jérôme. Ceux qui regardent un petit peu les relations femmes, tout ce qui est les rendez-vous galants, mon Tinder, etc. Mais vous voyez un petit peu la folie furieuse dans laquelle les femmes sont enfoncées tellement à ce stade-là qu'il y a des millions de femmes qui vont finir seules avec leur chat parce que plus aucun marié, parce que si un homme se marie, il va se prendre le tsunami de catastrophe en figure. C'est-à-dire, elle va prendre vos enfants. Tu peux rien faire. T'as la société contre toi. Ah, c'est ça. Elle va prendre votre argent, elle va prendre votre maison. Au pire, si jamais elle veut faire une transition de genre à votre gamin, vous savez pas pourquoi, elle a envie, ça lui pète à la tête, et ben elle fera. Puis vous ne pourrez même plus voir votre enfant, mais vous devrez quand même la financer. C'est devenu la folie furieuse. Ces gens-là ne se rendent pas compte. Effectivement, d'une, il faut aussi remettre les femmes où elles doivent être. Cuisine. Tu as cité, fait référence à Marine Le Pen avec ses 6 chats dont elle connaît le nom par cœur. Vous les connaissez tous les noms? Je connais les noms de mes 6 chats, vous plaisantez, j'espère. Non, allez, allez-y. Jazz, Paloma, Chadé, Chalimar, Oural et Picolina. On peut même plus cogner nos femmes d'ailleurs. Elzinko, je crois que tu as une anecdote historique là-dessus sur le communisme, non? En fait, le premier pays qui a interdit ce noble, nécessaire droit de correction du mari sur la femme, c'est l'URSS. C'est quand même intéressant. Ah, ça n'avait jamais été. C'était considéré comme un droit et un devoir. Et l'avortement au Moyen Âge, il me semble. Au 19e siècle aussi. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est. Moi, je suis pour le droit de correction de l'homme sur la femme. Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux, sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. C'est absolument nécessaire parce que l'homme, c'est le responsable de l'ordre. Et l'ordre, c'est que la femme soit soumise à l'homme. Si, quand la femme rebelle contre l'ordre, donc elle refuse de se soumettre à son mari, elle se met à lui donner des ordres, elle se met à faire ce qu'elle veut, si l'homme n'est pas. Si on lui retire le droit d'user de la force, en gros, c'est ça, pour la remettre à sa place, mais alors, qu'est-ce qui arrêtera la femme? Qu'est-ce qui maintiendra l'ordre? Rien. Et aujourd'hui, c'est là qu'on en est. C'est-à-dire que la femme, historiquement, elle est faible, elle ne peut rien faire, elle est même à charge du mari, hein, d'où la dot. Mais aujourd'hui, la société a retiré toutes les caractéristiques de force qu'avait l'homme, c'est-à-dire la force physique. On lui interdit de s'en servir, l'argent, c'est-à-dire qu'en divorçant, la femme, elle peut tout lui récupérer, la protection de la loi, au tribunal, les femmes obtiennent tout. Donc du coup, j'abonde dans ton sens, l'ami, petit propos rapide, j'abonde dans ton sens. Ouais, vas-y. Écoute, les séries américaines, quelles qu'elles soient, en immense majorité, bon, vous avez celle un petit peu avec le super-héros, mal alpha, etc., mais il y en a de nombreuses, et même comme quelque chose sympathique comme les Simpsons ou des trucs comme ça, on voit que est mis en avant, dans 80% des cas au moins, que des mâles bêta, d'ailleurs, très souvent. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, les femmes sont plus affirmatives dans leurs séries, et tout ça, ça se voit, c'est criant. Oui, c'est aussi dans la culture. Mais ce qui se passe, la femme finit par mépriser l'homme, parce qu'elle ne respecte que la force, et elle sait que même si elle dépasse les bornes, il lui mettra jamais une claque. Au final, c'est ça. Moi, je le vois. Les femmes ne craignent plus les hommes. Elles se permettent tout. Elles les méprisent. Et elles pensent que, du coup, elles sont fortes, en fait. Parce qu'en fait, elles ne sont pas fortes, mais elles ont juste la société qui affaiblit l'homme. On voit des drames avec des types qui retiennent leur colère toute leur vie. Et ils en ont marre. Et puis un jour, ils pètent un plomb. Et là, du coup, ils prennent un fusil, ils font n'importe quoi. Alors que je pense qu'à contrario, ça peut paraître paradoxal, mais si jamais il n'y a pas de loi qui va punir la sainte correction conjugale, et ben du coup, en fait, il n'y aura même pas de correction, parce que la nana se dira « Bon, je vais te tenir tranquille, parce que sinon, il pourrait m'arriver des trucs. » Donc, il n'y aura pas besoin de lui mettre la claque, en fait. Mais là, c'est carrément pas tranquille, oui, ça, parce qu'elles ont un champ libre, elles ont même pas un boulevard, elles ont un autoroute pour faire ce qu'elles veulent. L'hypergamie féminine est un poison pour nos sociétés. C'est prouvé par des études scientifiques qu'une femme arrivée à un certain nombre de partenaires, elle ne pourra plus jamais avoir de relations longue durée, c'est terminé, ça détruit toute la société et tout en découle aussi la destruction de la famille. L'État réussit à s'introduire dans la famille, puisqu'aujourd'hui l'homme ne peut plus forcer son autorité et dire non, ça suffit. Eh bien, la femme peut dire, maintenant, je suis pas d'accord, tu m'as frappé, je divorce, je prends tout. C'est-à-dire qu'on détruit l'ordre naturel tel qu'il devait être établi, et on le voit aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Vous ne trouvez pas ça dans des pays plus traditionnels. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui, ce qu'on appelle les passport bros en anglais, des jeunes hommes qui font des passeports et qui se barrent à l'étranger pour y trouver des femmes traditionnelles parce qu'ils ne supportent plus ce que sont devenues les femmes de l'Ouest. Et même dans la tradition, on pense que la tradition, c'est génial, etc. Alors, c'est sûr, c'est mieux que le monde moderne, ça, y a pas de doute, mais il y a beaucoup aussi de féminisme dans la tradition. Parce on a même reçu, nous... On a eu récemment un exemple. Hein. Voilà, avec une féministe kabyle tradie qui était apparemment outrée parce qu'on a dit des choses pas très gentilles sur certaines femmes. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit ? Soyons précis. On a parlé des femmes dans une émission en parlant de... J'ai reçu des menaces de mort d'handicapés. J'ai reçu des menaces de mort d'handicapés. On a condamné une fille qui se comporte vraiment à la limite de la prostitution parce qu'elle vend sa voix. Et qui se présente comme une femme traditionnelle, etc., une antiféministe. On a condamné une personne comme ça, et dans la dernière émission, qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté qu'aucune femme n'avait le droit de parler en politique dans l'Assemblée, ce que dit Saint-Paul. On n'a pas rappelé des choses extraordinaires. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Timothée 2,12. Tout tradit, tout catholique devrait être avec nous et dire il faut condamner une fille comme ça, on rappelle ce que dit Saint-Paul, on n'a rien dit d'extraordinaire. Et qu'est-ce D'autant qu'on voit qu'elle parle au nom de tous les catholiques quand même, donc la prétention est quand même assez puissante, nous on ne peut pas aller jusque-là. On aimerait bien que les catholiques pensent comme nous, mais on ne va pas jusque-là. Oui, mais c'est marrant, c'est-à-dire qu'on arrive, on voit une femme qui vient, qui est portée au pinacle, parce qu'elle a une petite notoire, qui est censée être la convertie, être une vraie chrétienne, est-ce qu'elle fait ? Elle prend quel côté ? Est-ce qu'elle va condamner la demi-prostituée qui s'habille comme une prostituée sur Internet et qui vole de l'argent, enfin qui escroque concrètement des hommes ? Ou est-ce qu'elle va condamner ceux qui rappellent les Écritures et qui veulent détruire le féminisme au moins dans la tradition ? Ah, le téléphone rose. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah, dites-moi, j'ai oublié. La femme a pris le parti de la femme. Point. Sachant qu'il faut venir sur Thaïs, là, d'ailleurs, qui a augmenté en plus ses prix. Je veux dire, si les gens ne se rendent pas compte de ce qu'elle fait, c'était passé à 300 euros maintenant, je crois. 300 balles, demi-heure. Discussion. Non, mais 300 euros la demi-heure. Vous vous rendez compte du prix ? Il faut être complètement fou pour payer ce prix. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens. Mais t'as quoi pour ça ? Elle vient chez toi, elle te fait à bouffer. Mais non, tu comprends pas, Bobby, c'est ses idées politiques, qui sont tellement précieuses, elle te les communique. Mais elle a quoi ? Elle a trois doctorats. Elle exploite la misère des gens. Parce que même les psychanalystes avec des doctorats ça coûte pas aussi cher, quoi. Ben oui, mais c'est une femme, elle est connectée 36, avec 15 Thaïs. La vérité ultime, tu comprends ? Bah oui, c'est le téléphone rose de génération identitaire est assez cher. Oui, mais on aimerait bien que ces personnes-là, quand même, puissent appliquer à elles-mêmes leur conseil, c'est-à-dire qu'elles se taisent, qu'elles fassent une famille. Parce qu'en plus, elles osaient dire, c'est pas grave si une femme a ce qu'on appelle en anglais des body count, en gros, si elle a déjà couché avant. Ah non, si, c'est grave, justement. C'est très grave. Surtout que maintenant, de plus en plus, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez de plus en plus de maladies sexuellement transmissibles qui deviennent résistantes aux médicaments. Bon courage. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je mets en deuxième critère chez la femme. La première critère, bien sûr, c'est l'âge. Et puis deuxième, c'est bien sûr ça, quoi. C'est donc qu'on dise pas que c'est n'importe quoi. C'est la solution. C'est dans le top 3 des critères, obligé. C'est psychologique. Ça a été prouvé scientifiquement que plus elles vont avoir de partenaires, moins elles seront stables. Plus elles arrivent à 7 partenaires, c'est terminé. Elles auront de plus en plus de mal à avoir une relation stable sur longue durée. Elles sont toujours ce qu'on appelle, elles vont faire le monkey branching. Je suis désolé pour les anglicismes. En gros, elles vont pas arrêter de sauter d'une branche à l'autre et de comparer les partenaires qu'elles ont eu avant. Elles seront jamais, elles seront toujours insatisfaites. Il reste un peu de chaque homme en elle, en fait. Ben, je crois qu'on est en train de les faire flipper, parce que c'est une ration de peur aussi, l'agressivité. Elle nous accuse d'être sexistes, que les féministes qui disent ça. Je pense qu'il y a une bulle, en fait, actuellement, sur les femmes, depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin, depuis qu'on est rentré dans ces sociétés-là. Comme quoi, les femmes, en fait, c'est le panacée, quoi. Elles ont une valeur intrinsèque, elles sont gentilles, elles sont belles, on a besoin d'elles, j'en ai pas besoin du tout. Et nous, ce qu'on dit dans cette émission, c'est ça, en gros, on dit tant que vous vous comportez comme ça, ben, on vous rejette, en fait. C'est ça qu'on leur dit. Et en fait, elles sont habituées à pouvoir tout faire sans jamais avoir de conséquences, sans jamais qu'on les rejette. Et là, en fait, on a une société qui est devenue tellement oppressive pour les hommes et insupportable qu'il y a plein d'hommes qui disent bon, mais c'est bon, ciao. Tu vois, ouais, parce qu'en fait, on est dans une société où tout est contre les hommes, et en particulier les hommes comme nous qui voulons agir, faire quelque chose, etc. Donc déjà, la société te tape sur les doigts quand tu fais quelque chose, mais en plus, les femmes de ton propre milieu, si elles s'y mettent, ça ne va pas le faire. Il faut savoir que les femmes sont... il faut savoir que les femmes sont infiniment plus violentes que les hommes, sauf qu'elles ne le font pas directement. Oui. Ça arrive qu'il y ait des femmes qui battent des hommes, pervers. Mais c'est bien. Ben là, on l'a vu quand même. C'est bien plus pervers. Ça a été révélé dans les attaques qui nous ont été faites. C'est violent. On a vu la violence de. Voilà, on appelle clairement à des choses. C'est limite de sortir de la chapelle où tu vas, quoi. C'est presque ça. Ouais. Je fais une petite citation des Grecs. Une femme doit rester chez elle, c'est ainsi. C'est la prostituée qui quitte son logis. Or, la rue est au chien, pas à la femme honnête. Des sages. Ça me va. Ouais. Un peu dur envers les chiens, mais bon. Oui, voilà. Non, mais il suffit de bien connaître le sujet, de voir ce qui se passe dans le monde actuellement, dans les pays de l'Ouest, de l'Occident, de voir ce qui se passe avec les femmes pour se rendre compte qu'il y a un énorme problème. En fait, au début, elles demandaient, on veut des droits comme vous. Mais c'était pas une question, c'est comme les homosexuels, on veut des droits comme vous. Non, c'était pas une question d'avoir les mêmes droits, c'est une question d'avoir le pouvoir. Il y a toujours eu un problème avec les femmes. Regarde Adam et Ève. Hein. Oui. Me dis pas qu'il n'y a pas toujours eu un problème. D'accord. Le problème, après, ça vient aussi, comme disait Dédé, de Adam qui aurait juste dû lui mettre une tarte au lieu Mais oui, voilà, non, mais c'est ça. Il y a un problème si tu te comportes comme un simp. En fait, la femme, elle est. Et c'est ça, non, mais c'est ça ce que souvent les hommes de droite ne comprennent pas, parce que, voilà, on est quand même un but de ces séries et tout ça, de cette idée que la femme, elle est gentille. C'est qu'en fait, tu ne peux jamais baisser ta garde avec une femme. Jamais. Elle est toujours en train de voir si elle peut te rendre faible. Elle est toujours en train de voir si elle peut te faire dire oui à un truc auquel tu ne devrais pas dire oui. Et quelque part, elle attend que tu lui dises non. Parce qu'en fait, elle sait qu'elle est faible. Elle sait qu'elle est Ève, qu'elle a déjà acquiescé au serpent. Donc, elle est faible sur le plan moral. Elle sait qu'elle est faible sur le plan physique. Elle sait qu'elle est faible sur le plan intellectuel parce qu'elle a un petit cerveau comparé à nous. But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That is wrong. But a government scientist, Dr. Yamak, have proved it is size of squirrel. Your government scientist? Yes, Dr. Yamak. He's wrong. Donc, elle cherche la force chez nous. Et vu qu'elle n'est jamais sûre de rien, parce que la femme, elle n'est jamais sûre de rien, toujours, elle nous challenge. Toujours, elle revient vers toi et elle voit, est-ce que je vais lui donner un ordre, il va le faire. Est-ce que j'ai machin. Et ça, les hommes, ils ne comprennent pas. Ils restent, ils baissent leur garde et ils deviennent des agneaux, etc. Et après, c'est terminé. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe là. Les femmes veulent absolument être l'égale des hommes. Bon, il y a eu des transsexuels, malheureusement, qui sont allés dans les compétitions pour femmes. Elles se font démolir. Littéralement démolir sur tous les plans. C'est-à-dire que physiquement, on les démolit. Intellectuellement, on les démolit aussi, puisqu'au niveau du QI, nous sommes généralement plusieurs points au-dessus d'elles. Et qui a construit toute la civilisation, qui maintient les infrastructures, qui a créé les technologies, donc tout ce qui est ordinateur, etc. Ce sont des hommes. Le jour où les hommes s'arrêtent de travailler, c'est terminé. Il y a plein de jeunes femmes, j'ai vu des trucs hallucinants qui disent « Oh, si la Troisième Guerre mondiale explose et éclate, on envoie les hommes à la guerre, on n'a pas besoin d'hommes. » Ah, vous êtes sûr ? Non, elles iront en première ligne. Moi, je suis féministe. Ah oui. Au niveau du QI, ce qui est le plus criant, parce que je crois qu'il y a des études, justement, qui montrent beaucoup, on va dire, de points, pardon, peu de points de différence entre les hommes et les femmes. En tout cas, c'est assez discuté. Mais ce qui n'est pas discuté, c'est la distribution, en tout cas, du quotient intellectuel. C'est-à-dire que, généralement, les femmes sont très recentrées sur les moyennes, donc les pôles faibles et forts sont peu représentés par les femmes, contrairement aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a plus de, on va dire, de débiles et de génies parmi les hommes. Mais ça, c'est un avantage. C'est un avantage parce que, dans une population assez large, si vous avez, je sais pas, moi, vous avez 10 000 bonhommes, et vous avez, on va dire, 2-3 trisomiques, mais aussi, en même temps, 2-3 génies, ça pousse la civilisation vers le haut, quoi. Et si après, vous avez une masse de gens, on va dire, normaux, mais dedans, c'est pas grave, on peut les supporter, les trisomiques, en termes de poids, parce que du coup, derrière, t'as Léonard de Vinci, Mozart, et puis Tesla, quoi. Donc, ça envoie, quoi. Les femmes, non, n'ont pas ça. Les femmes, c'est vraiment très, très moyen. Mais en fait, elles n'ont aucune valeur intrinsèque hors de leur relation à l'homme. J'enlèverais intrinsèque. Je m'arrêterais juste, elles n'ont aucune valeur. D'accord, mais, oui. Mais c'est mon avis personnel. Oui, non, mais elles ont une valeur si jamais elles se soumettent complètement à un homme, qu'elles voient un homme qui, lui, a ses propres trucs, comme Adam, tu vois. Adam, Dieu lui a dit, tu t'occupes du jardin, tu fais tes propres trucs, tu t'occupes pas d'Ève, quoi, tu vois. Ève, elle aurait dû aider Adam à faire le jardin. Cuisine ! D'une façon, quoi, elle a tout foutu en l'air, mais c'est dans ce sens-là, la femme, elle trouve une certaine noblesse, elle peut atteindre une valeur à travers l'homme. Et au fond, elles le savent, en fait, parce qu'elles sont toutes obsédées avec leur apparence. C'est-à-dire que, soi-disant, elles sont toutes fortes maintenant, elles sont politiciennes, elles sont tout ça parce qu'il y a des quotas et qu'on les force, c'est pas par leur propre valeur. Mais au final, les choses qui sont les plus importantes pour elles, c'est leur apparence physique, en fait. Et l'apparence physique, c'est par relation avec l'homme. Donc au final, à l'intérieur d'elles, elles savent que le seul moyen pour elles d'atteindre à quelque chose de concret, c'est via l'homme. Plus actif et arriver à ce qu'on appelle le mur, c'est arriver vers le mur des 30 ans, petit à petit, il y a un glissement. jusqu'à arriver vers la 40-50aine où là elles se retrouvent toutes seules et elles se disent mince, le féminisme a menti. Ben, oui, il fallait réfléchir elle avant. Dit pas, elle dit c'est, si seulement elle disait mince, ce serait et cool, certaines. Mais en fait, c'est pas très ça. Rare, c'est très rare. Ouais. Elles prennent là, pas les, de... les femmes qui nous attaquent, c'est des femmes justement ouais. qui ont passé le mur et qui sont dans cette frustration. En fait, au final, elles savent qu'elles ont foiré. Tu vois, quelque part, elles se disent bah, j'ai mal utilisé ma beauté, ma vingtaine, etc. Si et... à 40 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Si t'es une femme, t'as 40 ans, t'as pas de mari, pas d'enfant, t'as aussi raté ta vie. Il faut le savoir. Hein ouais, mais... Ah oui, puis t'en reviens pas de celui-là, hein, parce que la Rolex, tu peux toujours l'avoir plus tard. Hein, et tu peux toujours la trouver moins cher, mais la femme de 40 ans qui a pas d'enfant, c'est terminé. Quoi. Surtout si t'es une féministe kabyle, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, après, j'ai envie d'être positif pour les femmes. J'ai envie d'être positif. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup de concurrence. Enfin, c'est tellement une catastrophe. Toutes les femmes sont tellement insupportables. Enfin, bref, qu'une femme qui même, j'ai même qu'à passer la trentaine, et qui arrive à comprendre qu'elle doit être soumise. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais tu vois, genre, pas élever la voix, faire la vaisselle, répondre quand on te pose une question. Être docile, tu vois. Tu peux parler aussi de temps en temps, mais t'as toujours pas ce ton de voix, tu vois, offensif, impérieux, toujours à vouloir discutailler. Si t'arrives à être soumise, je pense que tu peux trouver même un bon parti, même si t'es plus au pic de ta beauté, parce que honnêtement, les hommes, tu vois, ils sont cool, ils sont pas si difficiles que... Enfin, oui, ils préfèrent une fille qu'à la vingtaine, évidemment, mais... Oui, généralement, les hommes ils recherchent des femmes qui sont plus innocentes et qui sont plus dociles. Féminine, on n'a pas envie d'après avoir travaillé. Ouais, féminine, si on a besoin d'un homme, on peut se suffire à nous-mêmes. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir un match de boxe à la maison. Le pire, moi, je trouve, c'est les femmes qui se prétendent traditionnelles, qui se vantent limite d'être traditionnelles, tu vois, on en connaît, et qui au final ne le sont pas du tout. Les vraies femmes traditionnelles, en fait, elles se vantent pas d'être traditionnelles, elles le sont. C'est peut-être pour ça qu'elles sont antifascistes aussi, parce qu'elles ne supportent pas ce que le fascisme, justement, portait au pinacle au niveau du socle familial, parce que c'était la relation l'homme, la femme dans son rôle traditionnel, l'homme dans son rôle traditionnel, la femme traditionnelle. Et voilà, et les femmes étaient à la maison et tout le monde était content. Ouais, là, ils aiment bien le statu quo. En fait, finalement, on en revient un peu aux conservateurs qui, en conservant le statu quo, permet à la situation de s'aggraver de plus en plus, alors qu'on parlait aussi de l'urgence vis-à-vis de l'immigration, de la démographie, par exemple. Donc, rien que ça. Bon, ouais, mais vous avez vu comment on a dérivé. On est passé de Pierre Hillard, on est passé un peu par les femmes. Maintenant, en fait, on revient à Pierre Hillard. Mais tout ça a un sens, oui, en fait. Les femmes, comme Pierre Hillard, veulent exactement ce que vient de dire Rex, le statu quo. Pas de vagues, pas trop de dangers, pas de risques. Et vous inquiétez pas, tout va s'arranger tout seul, c'est bien connu, il faut surtout rien faire. Mais t'as oublié qu'on a été condamné en chair du pays réel, par Pierre Hillard aussi, à propos du nazisme. Hein, la fête du pays bidon, pour le coup, c'était. Je lui demanderais de relire proprement le document de Mitbrenner-Gazorg. Lire, tu veux dire, à mon avis, il l'a pas lu. Hein. Ouais, ces gens ne lisent pas. Ou alors ils comprennent ce qu'ils veulent, ça serait pire encore. Il a peut-être lu, mais il comprend ce qu'il veut. Bah, on va faire la révolution. Oh, pour faire la révolution, je vous propose de rester dans votre chambre, les gars, et de faire rien, et puis d'acheter des bouquins. C'est important, ça. Et puis de préparer les bûchers, hein, parce que la sainte acquisition va revenir. Hein. Non, mais si, quand même, Bobby, il faut quand même qu'ils sortent de leur chambre pour venir combattre les gens comme nous, ceux qui veulent sortir de leur chambre. C'est quand même important. Ouais, le démon, parce que nous sommes dirigés forcément par Satan. Voilà. Nous sommes des infiltrés. Bon, c'est quand même pas nous qui avons laissé la situation pourrir depuis 250 ans, qui avons accepté la Révolution française et toutes les conséquences de ça. Hein. On peut voir ce que ça donne aujourd'hui. On peut dire que c'est nous, parce qu'on est catholique, tu vois, on a rejoint ce courant-là, mais en fait, ce qui est bien dans le catholicisme, c'est que tu peux te repentir. Bah oui, voilà, mais j'ai l'impression qu'ils préfèrent le statu quo, pour le coup. Ouais, mais c'est pas catholique. Et eux, ils s'estiment parfaits aussi, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Bon les gars, les surnats sans rancune, hein. On a tous été surnats peut-être à un moment, voilà, on vous dit la vérité, franchement, on vous aime, on en a marre que vous soyez sinistre, tout triste, tout le temps, avec la grimace, en ayant peur des infiltrés. Voilà, rejoignez-nous. Messieurs, je vous dis pas au mois prochain, parce que faut rien faire, d'accord? Ah. Okay. À jamais, restez dans votre chambre, allumez de l'encens, puis attendez, quoi. Voilà, puis on va mourir, cool. Mais c'est pas grave. Voilà, on s'en fout de biologie, la France, tout ça, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, l'euthanasie sans l'euthanasie. Quoi. Ouais. Tu peux nous rappeler, Zico, s'il te plaît, le nom là, du vicomte de Trifouille-les-Oies, là? Juif. C'est le Le vicomte de Biron-Gontaut. Voilà, ça se dégage le bouquin là pour le vicomte machin. C'est important, voilà. Puis ça va changer des trucs. Hein. Super, vivement le prochain bouquin, hein. J'ai hâte. Hein. Allez, la bise. Au mois prochain. Au mois prochain à tous. Ciao, ciao. Je fantasme sur le roi pour donner un style. Je suis un bourgeois, je suis un fossile. Tu fais Abdallah sans dans mon équipe. Et français comme moi, garantie fasciste. Je suis un voyou, un boss de la street. Car je ne vote pas, je suis royaliste. Je ne traverse pas en dehors des clous. Ce qui n'empêche pas que je sois un voyou. Je suis un gamin, ma mère c'est mon chef. La vie je connais rien, je paye l'ISF. Je joue le rebelle pour draguer les filles, mais pas trop quand même. Je suis une anguille. Je fantasme sur le roi pour donner un style. Je suis un bourgeois, je suis un fossile. Tout fait Abdallah sans dans mon équipe. Des français comme moi. Je suis un voyou, un boss de la street. Car je ne vote pas, je suis royaliste. Moi ce qui m'intéresse, c'est mon portefeuille. Des billets, des pièces, ça excite mon œil. Des noirs tricolores et quelques écus. Ça excite mon corps, ça excite mon cul. Et pour Louis XX, je donnerai tout ce que j'ai. Sauf mes mocassins, faut pas abuser. Je tabasse des flics, mais dans GTA. Et en politique, des riches, j'en prends pas. Plutôt STM.